Question 1. La signalisation annonce un danger. Permanent? Réponse A. Temporaire? Réponse B. À 150 mètres? Réponse C. À 400 mètres? Réponse D.